clair, obscur. Une musique sombre sur Rage. Bonsoir à tous mes petits corbeaux et bienvenue dans Clair Obscur, l'émission des musiques sombres sur Rage, particulièrement ce soir, cette émission qui précède ce week-end haut en couleur, puisque ce week-end, rappelons-le, c'est la fête des morts, la Toussaint ou bien encore Halloween. On ne le fête pas chez nous, mais c'est toujours l'occasion de se faire plaisir avec des playlists un petit peu spooky, gentiment sinistres, en compagnie de moi-même, votre cher serviteur Stéphane, ainsi que de ma collègue la vampirette Nathalie. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane. Comment vas-tu ce soir ? Eh bien écoute, j'ai travaillé mon teint blafard et mon haleine fétide pour cette émission justement ce soir. Et comme on n'a ni encore système sensitif par radio, ni plus de webcam dans le studio, les auditeurs devront se contenter de ma voix. Mais je crois qu'on a aussi une super playlist qui a justement été complétée par nos invités ce soir, puisque tu es une vampirette en studio, mais tu as aussi quelques zombies, quelques ghouls autour de toi. Oui, je suis très très bien entourée ce soir. D'ailleurs, c'est dommage que la webcam ne marche pas, parce que j'ai Laura à côté de moi qui est magnifiquement habillée, un mélange de Crazy Horse, Morticia gothique, enfin voilà, c'est assez burlesque. Et notre ami le poilu, le grand, le très grand connu de tapage, Stéphane. Bonsoir à tous. Et... je suis habillé en dieu grec, moi. Non, enfin, il n'est pas en naturel, quoi. C'est de la toute petite feuille de vigne, c'est ça. Non, rassurez-vous, il n'est pas à poil, il n'offense pas la décence, mais je crois qu'il va offenser le bon goût tout au long de ces calembours de ce soir. Je suis ému d'être de retour parmi vous. Et tu ne présentes même pas la demoiselle à côté de toi, honte à toi. Une certaine... Laure, bonsoir. Laure, bonsoir, c'est on bonsoir, l'a un peu forcé. Notre bonsoir à tous, alors, hein. Écoutez... Eh bien, ma chère Simone, l'équipe est au complet. Voilà, bon, je vais y aller, moi, je vais vous laisser. Donc vous l'aurez compris, ça va être une émission très cadrée, très propre, comme d'habitude. Et pour commencer en musique et pour entrer dans le vif du sujet directement, eh bien c'est toi Nathalie qui nous ramenait le premier morceau de cette playlist de ce soir, à savoir une reprise du groupe fondateur du genre horror punk, à savoir les Misfits. Avec le groupe Hellcat and the Prowl, on vous en avait déjà parlé quand on avait fait la spéciale Psychobilly, ce groupe d'Ontario, Canada. Mais pour les Misfits, je vais laisser la parole à notre ami Stéphane parce que je sais qu'il est une mine d'or sur le sujet. Merci, je suis un peu le Jean-Pierre Decaux. Non, Alain Decaux de, oui, plutôt, ouais. Du métal. Oui, bah, les Misfits, comme tu disais, c'est le groupe qui a amené une esthétique et une thématique série B d'horreur des années 50, 60, 70, qui a été après popularisée par White Zombie et Rob Zombie, dont on va parler tout à l'heure. Et Glenn Danzig, le chanteur, après a fondé le groupe Samhain, et après il est parti en solo. Il a d'ailleurs sorti un excellent dernier album solo qui s'appelle Death Raid Sabaoth. Et voilà, et Samhain, on va en parler tout de suite, parce que c'est un rapport avec Halloween. Samhain, bizarrement. Ouais. À l'origine, voilà, on creusait pas des citrouilles, on creusait des navets, on creusait pas du côté de la Nouvelle-Angleterre, mais plutôt de la verte Erin, bien sur le vieux continent. Et pour insister un petit peu sur les racines païennes et celtiques de cette fête qui fait pas vraiment partie de notre culture, mais qui est tout de même bien sympathique, moi je vous propose d'écouter par Incubus Succubus le morceau justement Samhain. Come back home. à l'instant le morceau d'Incubus Succubus, ce groupe goth anglais qui, dans le début des années 90, sortait sur l'album Belladonna and Aconite le morceau Samhain, donc un morceau qui nous rappelle un petit peu les origines celtiques et plus généralement les origines païennes de cette fête qui a été récupérée par un de ces systèmes religieux monothéistes qui m'horripile. Mais commerciaux, bon, bref. T'as oublié commerciaux. Non, moi je me maintiens à la religion, le commercial, je t'en tu laisse. Tu m'en laisses la partie. Comme en plus tu en fais partie, je te laisse cracher dans la soupe qui te nourrit, camarade. Comme le Père Noël d'ailleurs, qui a été récupéré aussi. Voilà, qui était vert à la base. Et... c'était Saint-Nicolas et Coca-Cola, on a fait une mascotte. Exactement. Qui nous pourrit encore la vie aujourd'hui. Enfin, bref. En tout cas, l'Halloween tel que le connaissaient les Celtiques, je pense pas qu'il laissait sortir les gamins, parce que c'était quand même la période où les morts pouvaient revenir sur Terre, donc... Le but du jeu, c'était quand même de pas donner envie aux morts de revenir, c'était pas de balancer les gamins barbouillés mais de peinture. Mais on peut être irlandais et avoir envie de se débarrasser de ses gosses. Hein, en même temps, c'est une bonne idée, il y en a qui font au congélateur, bah écoute... C'est pas incompatible. Enfin bref, vous êtes les bienvenus dans Clair Obscur sur c'est Rage, bon, après Underground Zero. On est très heureux de vous accueillir pour cette émission spéciale Halloween, donc une émission un petit peu spooky ce soir, que ce soit au niveau des trublions et des jeux de mots que vous accompagnerons pendant une heure, ainsi que des thèmes spooky musicaux. Brewster un peu quand même. Qu'on a choisi. Qu'est-ce que je disais à l'instant ? Et donc, tous les jeux de mots sont assumés pleinement par leurs auteurs. Copyright, hein. Stéphane. Et donc, comme c'est la fête des morts, eh bien, on va rester sérieux deux minutes pour rendre hommage à un mort qui nous a vraiment attristés en ce début d'année. Il s'agissait d'un chanteur que toi, tu aimais beaucoup, Nathalie. Que j'aime toujours beaucoup, même si malheureusement, il est passé de l'autre côté. Hein. Et moi aussi, putain. Elle va pas pleurer, Stéphane. Je parlais de Peter Steele, le grand géant vert, le côté un petit peu démoniaque. On va jouer sur ça, vu que c'est la période de typo négative, qui n'a pas manqué aussi de rajouter sa petite couche à contester un peu le côté Halloween avec ce morceau Halloween in Heaven, et c'est vraiment le bordel dans les cieux. Yeah. I am Dracula. Listen to them. Children of the night. What music they make. Lost my baby on a moonless night. Our dreams were shattered of our teenage lives. Her severed head sitting on my knee. The word she spoke now haunting me. I love you, baby, and I've been thinking all night. Your arms around me in a bed satin white. Groupe Psychobilly pour continuer cette playlist qui est consacrée à Halloween ce soir. Psychobilly, s'il te plaît. Je dis ce que je veux et c'était donc Zombie Ghost. Zombie. Voilà. Magnifique. point. Zombie la mouche. Donc dès que mon homonyme Stéphane est dans les parages, eh bien décidément, je ne me sens plus de joie et tel le corbeau. Je laisse tomber ma proie, à savoir ce calembour absolument minable. Pardonnez-moi, chers amis. Donc je disais à l'instant Zombie Ghost Train avec le morceau Graveyard Queen, donc la reine du cimetière, un petit peu comme Nathalie ce soir dans le bocal. Oui, avec Zombie la mouche à côté. Et c'était précédé par Typo Négative, le grand Peter Steele qui nous chantait Halloween in Heaven. Et juste entre les deux, c'était une citation que vous aurez sans doute reconnue dans les vieux films des années 40-50. Bela Lugosi, bien entendu, dans le rôle de Dracula avec son accent hongrois à couper au couteau et qui fait bien des sueurs froides dans le dos. Et tiens, justement, puisqu'on parle d'une star du cinéma d'horreur de la grande époque, on va en venir vers une autre star, Vincent Price, avec un groupe qui te tient particulièrement à cœur, Stéphane, c'est Wednesday 13. C'est un artiste solo, en fait, qui est le, pardon, le chanteur des Murder Dolls, qui a sorti aussi un super album il y a quelques mois de ça, Women and Children Last. Et donc, pendant le hiatus des Murder Dolls, il a sorti plusieurs albums solo, dont celui-là, je crois que c'est son premier, qui s'appelait Transylvania 90210, qui est un petit clin d'œil à Beverly Hills, la série. Et Oh, faut les trouver. Et voilà, c'est un grand fan de, évidemment de d'Alice Cooper, de Marilyn Manson. C'est un peu un mélange de tout ça, des Misfits évidemment, et de cinéma d'horreur dont on parlait avec avec justement les Misfits. Toute cette esthétique, cette thématique. Et donc il rendait hommage sur ce morceau qu'on va diffuser à Vincent Price, qui est un des plus grands acteurs anglais des films de la Hammer aussi, mais des films fantastiques des années 50, 60, voilà, 70. Voilà, la Hammer, donc ce grand studio qui a produit notamment Christopher Lee, qui l'a fait connaître aussi. Mmh. Et Vincent Price fait l'objet d'une telle dévotion sur la côte ouest des États-Unis que tu vois, tu viens de me l'apprendre, j'ai hésité à me demander s'il n'était pas plutôt américain, mais non, il est donc bien britannique. C'est à vérifier. Comme Christopher Lee. J'ai peut-être dit une bêtise. Ah bah écoutez, vérifier ça tout de suite. Voilà, pas mal de morceaux. Tu seras châtié sur la place publique. Ah hein. J'espère. En tout cas, du psychobilly, du métal et donc du glam, de venir tout de suite dans Clair Obscur. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Et ce soir, cette émission spéciale Halloween continue à peu près comme ça. We'll be right back. Il a les yeux de mon père, ce cher ange. Gomez, enlève-les-lui de la poche. To the ground as it burns, airwaves call out into the night, live through the sounds. We can't see an ending in sight. City will never be the same. The Creep Show avec Remorgue Radio. Alors juste un petit mot sur ce groupe parce qu'on a la chance de les avoir bientôt en France en décembre. Alors je sais que la rubrique concert est après, mais je vais complètement oublier de vous en parler. Ils sont le 14 décembre à Marseille à la machine à coudre, et juste avant Wonder's Nest 13, ça va, j'ai pas tout massacré, The Ghost of Vincent Price, un groupe qui a eu l'air d'apprécier Stéphane. C'est Wednesday exactement. Wednesday, pardon. Mais jugez-moi l'anglais, je pratique plus trop. En attendant, on va passer à un groupe qui plaît aussi à l'autre Stéphane. Tu n'as pas cru si bien dire du reste, parce que Remorgue Radio, c'est justement le titre, le nom d'une radio qui émet à partir de la côte ouest des États-Unis, donc ils ont repris le terme. Et The Creep Show, justement, c'était aussi, t'as été doublement inspiré, puisque c'est aussi le titre d'un film culte de John Carpenter qui a fait entre autres. De George Romero, s'il te plaît. Et en plus, ils ont une dégaine sur le Facebook. Pardon, The Creep Show ? C'est Romero. D'accord. Je vérifierai, mais tu peux te tromper là aussi. Bon, alors là, je me trompe pas, sauf que je me suis trompé par contre sur Vincent Price, qui est américain effectivement. Ne vous battez pas, les enfants. Voilà. Mais donc, c'est Romero qui a fait Creep Show. Et juste sur The Creep Show, moi, je vous conseille quand même d'aller jeter un œil sur le MySpace. Alors les fans de Pastor Guy seront aux anges parce que ils ont un petit peu le même délire. On a le révérend McNighty. Enfin, on a pas mal de délires communs avec Pastor Guy. Donc si vous aimez Pastor Guy, vous aimerez les autres et vice versa. Et puisque justement on parlait de Remorgue Radio tout à l'heure, et bien vous êtes sur les fréquences de Rage, vous nous écoutez sur le 90.3 du côté du Vaucluse, sur le 102.5 du côté du Gard et de l'Hérault. Sinon vous nous écoutez sur internet sur le www.rage.fr. Vous pouvez rejoindre, puisque l'émission est en direct, Nathalie ainsi que ses congénères dans le studio RS Vampire, Sorcière, Ghoul et j'en passe, avec un petit peu de jus de citrouille sur les canines. Vous pouvez les rejoindre sur la chatbox qui se trouve sur le www.myspace.com/clairobscur-rage. Voilà, vous pouvez venir dire des cochoncetés avec nous. Et puisqu'on parlait, c'est moi qui les ramasse, je te rappelle, les cochoncetés, c'est sympa. Mais justement. Ou sinon, ils nous appellent au standard et on fait Halloween. Ici, trouille. point, point, point. Moi, bon, je vais vous laisser. Merci. Je vais faire un jingle corbeau spécial, tu sais. Quoi, quoi, quoi. Et tiens, on va mélanger grenouille et corbeau, on se demande ce que ça donnera, quoi. Quoi, quoi. Bref. C'est très gothique, tu me diras, hein, ça ira très bien. La musique gothique recoupe souvent les influences du cinéma. On vient de vous en donner un exemple avec cette petite controverse à propos de Vincent Price, à propos de George Romero, de John Carpenter et j'en passe. Et bien justement, John Carpenter est à l'origine du film Halloween, dont on parlait tout à l'heure, et Rob Zombie avait fait un remake. Alors Rob Zombie est aussi s'illustre dans le cinéma autant que dans la musique, et c'est un personnage que tu apprécies beaucoup, Stéphane. Tout à fait. Oui, il a fait le remake d'Halloween, il a fait la suite aussi, Halloween 2, et je sais qu'il le réalisera... La semaine prochaine. Voilà, chez toi, à la maison. voilà. Pour l'apéro. Il m'a dit hier soir, il est venu manger. L'année prochaine, il réalisera The Lords of Salem, son prochain film, a fortiori. Et en fait, est ressorti Hillbilly Deluxe 2, son dernier album en date. Il l'a ressorti le mois dernier avec 3 nouveaux morceaux en plus. Et c'est-à-dire qu'il a changé de batteur. Il a pris Joey Jordison, qui est le batteur de Slipknot, qui est devenu son batteur à part entière, et il a fait 2 tournées avec Alice Cooper aux États-Unis. Donc c'est un peu le line-up de rêve, Alice Cooper et Rob Zombie, Alice dont on va reparler tout à l'heure évidemment. Bien entendu. Et Rob Zombie qui revient en Europe, c'est quand même un petit événement, il sera en février, il fait 6 dates en Angleterre, il n'a pas joué en Europe depuis 12 ans. Et donc, comme je vous dis, après, il s'attellera à son prochain film. Et on va écouter un morceau, donc un des 3 nouveaux morceaux de la réédition de Hillbilly Deluxe 2. Et c'est le morceau Michael qui parle de Michael Myers et donc d'Halloween. Et c'est Rob Zombie. Halloween is coming. You have to get ready. We are counting on you to bring us home this year. I won't let you down. No, you won't, baby. I love you too, Michael. Ceci est très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a, docteur ? Eh bien, la température de votre corps n'est que de 18 degrés, vous n'avez plus de pouls, votre cœur ne bat plus. Quant à vos yeux, ils sont fixés vitreux. Oh non, vous voulez dire... Oui, et mon diagnostic est sans appel. Conjonctivite. Je vais vous donner un traitement approprié, mais je refuse de vous toucher. Ah, je meurs de faim, et la seule chose que j'ai envie de manger, c'est... du cerveau. Faites ce que vous voulez, mais ne touchez pas à vos yeux. Je vais vous prescrire des antibiotiques. À l'instant, les magnifiques et très sexy London After Midnight et le morceau Trick or Treat. Et juste avant, Rob Zombie et le morceau Michael que nous avait ramené Stéphane. Un morceau Rob Zombie, Stéphane, est-ce que tu as quelque chose à nous rajouter dessus ? Non, juste qu'il a tourné avec Alice Cooper, ils sont très potes depuis une bonne quinzaine d'années. Et Alice Cooper qui jouera à Marseille au Dôme le 20 novembre. et j'en trépigne d'impatience. Et on en bave déjà, oui. Le morceau qui nous ramène jusqu'à présent, pour le moment, est justement tiré lui aussi d'un vieil album d'Alice Cooper. De Billion Dollar Babies, qui était sorti en 73, qui est son quatrième ou cinquième, je ne sais plus. Et ben voilà, Alice, il est à l'origine de tout, quoi. Il est à l'origine du monde. Et, voilà, il était là avant les dinosaures. Était là, en tout cas, avant Marilyn Manson et consorts. Mais c'est vrai que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Et moi consorts aussi... pour aller où, surtout? Non, mais il est... C'est l'inventeur du shock rock et du rock théâtral. Et voilà, donc il n'y aurait jamais eu de Misfits et de Rob Zombie Et de Manson. Lui. Évidemment, surtout même. Et donc j'ai choisi un petit morceau, un vieux morceau donc, qui s'appelle I Love the Dead, qui est magnifique, qui est un petit chef-d'œuvre macabre, avec toujours l'humour cher à Alice, qui parle des morts. Donc je me suis dit que c'était... c'était le soir ou jamais. C'était d'actualité. Oui. C'était l'occasion. Et je pense qu'on reparlera d'Alice Cooper d'ici quelques semaines dans Clair Obscur, si je ne m'abuse. C'est bien ça. Mais pour le moment, on vous laisse la surprise, mes petits corbeaux. Pour le moment, on s'écoute I Love the Dead par Alice Cooper. They're cool. The bluing flesh for me to hold. Cadaver eyes upon me see nothing. Dead before they rise. No farewells, no goodbyes. I never even knew your now rotting face. While friends and lovers mourn your silly grave, I have other uses for you, darling. Oh, Quand il n'y en a plus, il y en a encore. London After Midnight, deuxième morceau. Et vous aurez reconnu pour les amateurs de L'étrange Noël et Mr. Jack, le morceau, la reprise Sally's Song, à leur sauce à eux, mais on l'est tout à fait reconnaissable. J'ai vu les sourires sur certains, j'ai vu que ça leur avait rappelé des bonnes choses. Et juste avant, Alice Cooper, I Love the Dead, ramené par notre ami Stéphane. Et c'était difficile de faire une émission spéciale Halloween sans la musique de Danny Elfman pour les films de Tim Burton et pour tant d'autres d'ailleurs. Et c'est vrai que c'était une jolie reprise que tu nous ramenais pour aller tout doucement vers la fin de cette émission. Merci Laura, merci Laure, merci Stéphane d'être venu nous tenir compagnie pour cette spéciale Halloween. De rien ma biche. Et avant de se quitter, on va annoncer un petit peu les concerts vu que c'est un week-end un petit peu plus long qu'à l'accoutumée avec la Toussaint lundi et donc un week-end assez riche en événements. Vous l'aurez deviné. Donc pour ceux qui ont du carburant, hein, vous pouvez aller à pas mal de choses. Je voulais pas le dire pour pas leur casser le moral, mais tu as tout à fait raison. Excusez-moi, mais c'est la musique du Silence des Agneaux que j'entends en fond. Hein. Exactement. Voilà, c'est pour te préparer à l'idée que je vais te bouffer le foie en sortant de ce studio. Avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. Oui, attends, bien sûr. Tu vas être malade à mon avis, à ce qu'il y a dedans. Dis donc. Son foie, et qu'on a vécu, Nathalie. Son foie est si rose qu'il me donne l'eau à la bouche. Bref, toujours est-il que ce samedi 30, vous aurez pas mal de soirées dans les alentours. Alors je commence du côté de Toulon et je commence fort, puisque vous aurez une soirée Allo Hills. Ce sera à l'Entre-nous, alors c'est un club libertin, donc vous vous attendez un petit peu Attendez-vous à tout. Attendez-vous déjà au dress code, ne serait-ce que ça, que vous pourrez trouver sur place. Mais ce sera une soirée intéressante, puisque vous aurez notamment... Oui, ça peut être une soirée. Je parle musique, Nathalie, tu fais ce que tu veux avec ton string fourrure. Et toujours est-il que vous aurez des DJ que vous retrouverez dans d'autres soirées, puisque vous aurez les DJ des messes synthétiques d'une part et de l'Access Code d'autre part pour cette soirée qui sera donc du côté de Toulon à l'Entre-nous. Toujours une soirée fétiche, mais un petit peu moins olé olé, ce sera du côté de Rockmore au club La Grand Cave d'Alex. Ce sera une Halloween fétiche party avec notamment DJ's Grand Robot que vous pouvez retrouver là-bas. Et sinon, du côté de Toulon, toujours vous aurez un festival de rue qui mêle le théâtre, la musique un peu punk. Ce sera, je peux vous en dire beaucoup plus, ce sera la Travesty Monsters Party pour le festival Quality Street dans les rues de Toulon. J'ai eu peur que tu nous dises maintenant, allez, maintenant un petit club sadomaso, vu qu'apparemment il y a un club qui se nomme Clair Obscur. Donc. Eh bien écoutez, vous allez chez Nathalie, vous l'ajoutez sur Facebook et elle vous donnera toutes les coordonnées. Voilà, dans la cave à la maison. Voilà, pour rejoindre son petit hall d'amour, son petit coin d'amour et dans la cave si duquel j'ai des il y a pervers, toujours, je te les envoie. Il y a toujours des petites choses, un peu comme dans la cave de Donald Rumsfeld dans les suburbs américains. Il y a des tas de choses intéressantes qui se passent chez toi. Bref, sinon le lendemain, dimanche 31, vous aurez du côté de Montpellier une soirée organisée par l'association Tout à Fond, une soirée Halloween. Et sinon demain soir, vous aurez du côté de Marseille, alors là c'est pas du tout Halloween mais ça va dépoter quand même, vous aurez au Baby par l'association TCI un groupe de punkettes qui nous viennent d'Uruguay. Je peux pas vous en dire beaucoup plus pour le moment mais ça a l'air de déchirer et ce sera donc demain soir jeudi 28 au Baby rue Poggioli à Marseille, les Guachas. Je sais pas ce que ça signifie en espagnol mais en tout cas sur scène ça donne du très bon, vous imaginez les Runaways mais version latino. Enfin pour conclure, le 2 novembre vous aurez un groupe de Psycho Billy et je dis le P si je veux à The Quakes au Secret Place à Montpellier mardi 2 novembre et enfin pour conclure, excusez-moi j'ai oublié que je suis impardonnable, que Pasteur Guy, notre ami Pasteur Guy sera vendredi soir au F Café, alors si vous trouvez où c'est vous me faites signe s'il vous plaît, et ce sera donc pour son set de DJ Psycho Billy. C'est à côté de la place des Corsins à Avignon. À côté de la place des Corsets, donc on était, on était pas loin, pas loin des soirées fétiches. Hein. Sinon, c'est monomaniaque toi un peu quand même. Hein. Quant à moi, je ne peux pas résister au plaisir de vous dire que samedi, je serai du côté de Lyon pour interviewer Ataraxia et vous ramener cette interview au cours du mois de novembre. J'en trépigne d'impatience. J'espère que tu vas pas te liquéfier devant la chanteuse. Voilà, et donc je vous ramène une interview aussi d'Opération of the Sun en principe, que Nathalie vous a ramené régulièrement dans Clair Obscur. Voilà. Comme à notre habitude, on va se quitter avec quelque chose d'un petit peu décalé par rapport à la playlist. Et ce soir, eh bien, ce sera avec de la musique romantique dans le bon sens du terme, telle qu'elle existait au 19e siècle. Ce sera avec Camille Saint-Saëns qu'on va se quitter, La Danse Macabre, une pièce musicale qui est inspirée d'une vieille légende française. Donc après vous avoir promené de l'Irlande à la Californie, à l'Angleterre, eh bien, on revient vers chez nous avec cette pièce musicale absolument sublime, La Danse Macabre de Camille Saint-Saëns. On vous souhaite une bonne fin de soirée, un bon week-end. Halloween. Bonsoir les morts. Adieu les morts et viva la moualté. Et puis sinon, nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bisous, salut. Gros bisous. Yeah.